On va hop, commencer déjà en anglais et je vous demande d'accueillir Monsieur Hiromitsu Murakami. Merci beaucoup. Merci à lui. Thanks to be here. Like I said, we will have Ilan and students from your school and Mr. Yamamura after that. But first, you will introduce a little bit the school, yeah. Gedai. I'm really pleased. Really, to have you this morning. Thank you. Bonjour. I'm Hiromitsu Murakami. I work in for Tokyo University of the Arts as an assistant professor. So I just briefly introduce our school. So this is just a briefly introducing our school and also Department of Animation, so might be very boring, but please let me know if you feel bored. Donc, I will just translate a little bit of in French. Je vais traduire parce que je sais qu'il y a quelques personnes et des fidèles qui ne parlent pas forcément, donc il va juste nous faire une petite traduction, une petite présentation, excusez-moi, rapide de l'école pour, c'est encore une fois, c'est rapide. Il dit ça va peut-être être un peu ennuyeux, hein, c'est une présentation un peu institutionnelle comme ça, donc il s'en excuse, mais voilà, ça sera sûrement très intéressant. So, Tokyo University of the Arts is the oldest art university in Japan, and it's set up in 1887, and its two schools merged in 1949, and it's become Tokyo National University of Fine Arts and Music, but it changed name a few years ago in English, so it's now Tokyo University of the Arts. Donc en fait, c'était deux écoles, c'était une première école, c'était la plus vieille, hein, école des Beaux-Arts, 1887, et en fait, en 1949, en fait, c'est deux écoles qui se sont fusionnées, merci beaucoup, je vais y arriver, vous allez voir, fusionnées en 1949, et récemment, elle a changé pour avoir un nom, donc un nom anglais. So each time I'm going to translate in. Few of that, yeah. maybe it's better. Shorter. So this is the campus. Donc là c'est le campus, vous voyez. And film, new media, animation is only in graduate school, not in BA course, master, only master. D'accord, donc là, l'animation et tout ce qui est vient au master en fait, pas au tout début des cours. And the animation department is started in 2008, so it's quite new. Donc l'animation c'est 2008, donc c'est très nouveau. And so first, I'd like to show the digest of the 2015, so last year's collection of the graduation films. Donc là, on va voir une petite bande-annonce, enfin, un digest des films de 2015, pour que vous ayez un peu, une partie d'entre vous connaissez ce que fait la Gedai, mais que vous ayez un peu une idée de la diversité aussi, pourquoi j'ai demandé à la Gedai de venir, voilà. スローバー、セリブロ、マルちゃんへ、どうなった。 So there's four professors. Sorry, it's the wrong name. Sorry, it's Professor Koji Yamamura. He's a right. Sorry, and Professor Yuichi Ito. They are two animation directors. Donc vous avez ça c'est le nom est pas bon hein, monsieur Koji Yamamura bien sûr monsieur Yuichi Ito qui sont deux professeurs d'animation. And the professor Mitsuko Okamoto, she's teaching and producing. Donc madame Mitsuko Okamoto elle est plutôt dans la production. And the Kartofen is teaching research and theory. Yeah. Voilà, donc le quatrième professeur est plutôt dans la théorie et dans la recherche. And basically, students have to make two films in a 2 years master course. Voilà, c'est 2 ans, et en fait, chaque année, il y a un film qui est réalisé dans le dans chaque année, donc. And we take about 16 students per year. Donc, il y a à peu près 16 étudiants par année, c'est pas à peu près 16 étudiants par année. And this is a list of the lectures we have. Donc là, vous avez des conférences et des cours donc qui sont faits avec histoire évidemment de l'animation, le son animation, manga, les expressions filmiques, cinématographie et histoire. And each professor do a kind of workshop for the first semester. Donc au premier semestre, chacun des professeurs fait des ateliers. So if you'd like to know about this workshop, maybe after the Koji arrives, you can ask. Ok. Après, évidemment, comme M. Miyamamura viendra, on pourrait lui demander ce qu'il fait exactement comme atelier, comme travail. Yeah, Professor Ito provides kind of this stop motion workshop. Donc là, c'est des cours de stop motion avec M. Ito. And the producing workshop. Donc l'atelier plutôt de production, la concrète du film. Des films. And also film study workshop. Voilà, donc là. And we also add kind of additional workshop for the students. Donc il y a quelques ateliers en plus pour les étudiants. And this is a place in Yokohama. Donc ça c'est l'endroit Yokohama. And so. Peut fermer. Merci. So each student has their own space, the booth. And so we provide computer and equipment for each student. Donc, chaque étudiant a son endroit, a son espace de travail comme ça avec un ordinateur. So student can use 24 hours anytime at the school. Donc c'est 24 heures, hein, il n'y a pas de peuvent l'utiliser et quand ils veulent. And also this is a shooting studio for the stop motion. Voilà, donc là c'est la possibilité d'avoir un espace donc pour la stop motion. Also have a small sound audio mixing studio and the recording booth. Bien sûr, un petit studio d'enregistrement comme ça pour le son. And the editing room. Le montage. And for the graduation film, we finish their films in a professional studio outside of the school. D'accord. Et pour le film de deuxième année, là, ils le finissent dans un studio plus professionnel en dehors de l'école. And also, we collaborate with the music department students. Et donc, comme vous avez vu, hein, il y a aussi une partie musicale dans l'école, et donc il collabore avec ses étudiants de cette partie musicale. So there's a student who studied also a music composition and also sound effect and recording as well. D'accord. Donc il y a aussi bien donc de la composition, hein, que aussi l'idée de, enfin, le travail sur le sound design ou les effets spéciaux. And we have many special lectures from all over the world. Donc, comme vous voyez, il y a des noms plutôt impressionnants à travers le monde. Vous reconnaissez quasiment tous les noms. Peut-être Ruth Linkford ou Suzanne Began sont un peu moins connus, mais les autres sont évidemment très, très, très, très connus. And also, we are doing a collaboration project for the students. So this is a 3 countries, Asian countries collaboration project. D'accord. Donc, il y a même une collaboration en fait avec des d'autres pays asiatiques, la Corée du Sud, comme vous l'avez vu, et la Chine. And this is famous related films, around the festivals. Ouais, donc en fait, beaucoup des films, hein, évidemment, de ces films ont été dans les festivals internationaux. Et là, vous avez au moins 4 films qui ont été en compétition dans beaucoup de festivals et qui ont eu des prix. en festival, ben, en fait, on va avoir quelques-unes, quelques-uns. Well, especially My Milk Cup Cow got a many prizes in the all over the world. Notamment, My Milk Cup a eu vraiment énormément de prix dans beaucoup de festivals. And we got a school prize in 2010, we won in Zagreb and Ottawa. Et ils ont, en 2010, l'école a eu Ottawa et AnimaFest Zagreb sont deux festivals qui donnent en fait un prix. I'm explaining the price. On donne un prix pour la meilleure école de l'année. Et donc, ils ont eu en 2010 aussi bien à Zagreb AnimaFest qu'à Ottawa. And recently, we opened the Gaida Animation Channel. It's official channel on YouTube and Vimeo. Et donc depuis pas longtemps, l'école a, et vous aurez des petites cartes postales qui sont là avec les adresses, l'école a créé une chaîne Vimeo et YouTube où vous pouvez voir tous les films de l'école en fait sur le Vimeo. It's you put the film 1 year after they're done or yeah, is it done? Maybe it's changing to the 2 years, but yeah, 1 year after. Voilà, donc normalement là tout a été mis pour sur ces dernières années, mais normalement évidemment comme souvent ça prend une année pour mettre évidemment les derniers films qui ont été réalisés dans l'école. So I have many postcards, so please take. Voilà, donc comme je disais, vous avez, il y a pas mal de cartes postales, n'hésitez pas à les prendre pour. And most films are uploaded until last year, and all films are English subtitles, so you can choose Japanese on the. Voilà. Et tous les films sont avec des traductions anglaises, donc vous pouvez trouver, enfin tous les films, vous pouvez choisir sauf ceux qui parlent japonais couramment. Sinon, just a snapshot of the student animation. Donc voilà, quelques photos des étudiants en train de travailler. So each student can choose any technique and expression. Donc chaque étudiant peut choisir en fait sa technique et son mode d'expression. So Professor Ito is a stop motion artist, so some students make a kind of 3D stop motion. Donc en fait, Monsieur Ito étant lui-même réalisateur d'animation comme ça en stop motion, il y en a qui font de la stop motion en volume, hein, comme on voit ici, sur certaines photos. And this is just, yeah. That's yeah. After... Yeah, that's after, yeah. Maybe what we can do for waiting is watching one or two films from Gaida. Ce que je vous propose, comme ça nous mettra aussi un petit peu, puis c'est bien parce qu'on a vu que des extraits, c'est de voir un ou deux films de la Gaida. What do you want to show? Do you have the things I will show you? And on va hop, pardon. Hop. Alors. Yeah. What do you think we can show? Flower Bud? Yeah. Is it okay for you? Yeah. Okay. So, ce que je vous propose, c'est qu'on va on va regarder déjà un film et puis ben on va attendre un tout petit peu. Keigo Ito will be here. No. Yes, so we'll wait to see his film. And un des étudiants Keigo Ito sera là, donc on va attendre évidemment pour voir son film. Which else do you want to? Maybe a. Maybe we're arriving soon, so you can show us. Okay. Donc on va essayer. Je vous en passerai un, puis on va essayer comme ça d'avancer un petit peu comme ça. Merci donc déjà Flower Bud. Donc je veux bien qu'on éteigne la lumière. Merci infiniment. Thank you. Si. Par hasard, comme vous avez vu tout à l'heure, malheureusement, il y a des petits problèmes techniques. Pour ceux qui viennent ici, vous savez que je suis familier avec les problèmes techniques. Je changerai rapidement, mais on va croiser les doigts que ça marche. C'est parti. Thank you. Voilà, comme vous l'avez vu, on a des choses vraiment bien différentes dans la bande-annonce, et puis ben, les choses sont bien faites. Je vais demander à Ilan de nous rejoindre, et bien sûr à M. Murakami. M. Yamamura, bien évidemment, merci infiniment, et M. Ito de venir. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc voilà, on va repasser. Donc merci, bien sûr, merci infiniment d'être venu aussi rapidement. On a vu une petite présentation de l'école. Donc voilà, on a une vue un petit peu plus complète. On sait qu'il y a des. On a appris qu'il y avait donc des ateliers chaque semestre, des ateliers plutôt de pratique. Notamment M. Yamamura en fait. Quelles sont la teneur exactement de ces ateliers? 最近はですね、音にフォーカスしたアーの演習をいくつかやっています。 あ、でもそれだけじゃない よね。 もちろん他にもありますけど、一コマ漫画をまず描いたりとかですね。はい、あと、まあ、あの無作為に選んだ効果音で、まあ、その音源とは違うものを使ってその動きで音の感覚を表現したりする、まあ、 演習。その音源と違う感覚。 まあ、例えば、まあ、車だったら車を使わない、ドアだったらドアを絵で表さない。 Alors, il y a toutes sortes d'aspects qui sont en jeu. Ces derniers temps, j'ai tendance à me focaliser davantage sur le son. Donc, alors bon, il y a des choses assez basiques avec lesquelles on commence. Le fait de faire, par exemple, de faire un dessin satirique, un dessin, une image, effectivement, essayer de condenser dans une image fixe un certain nombre de choses. Une chose que j'aime bien faire ces derniers temps, c'est en fait de leur faire choisir aux étudiants de manière aléatoire dans une banque de données sonores. Chacun donc pioche un son, un peu comme au loto. Et doit mettre en image des éléments qui seront différents de ceux afférents au son. C'est-à-dire si un étudiant a reçu un son de voiture, il n'a pas le droit de dessiner une voiture. Il faut qu'il dessine autre chose pour représenter effectivement en regard de ce son. Voilà. まあ、特に一コマ漫画は、まあ、ずっと、まあ、8年間続けている課題で、あのどうしてもですね、アイデアというものをなかなか理解していない学生が多いんですね。アイデアを絵にするということです。まあ、それの非常にいいトレーニングになります。 Par exemple, cette histoire de dessin, de représenter une idée en une image, c'est quelque chose que, curieusement, les étudiants n'ont souvent pas en, fait, en tête de cette manière. C'est-à-dire, comment est-ce qu'une idée qu'on a mentalement, comment est-ce qu'on la porte, comment est-ce qu'on la transpose visuellement? C'est un entraînement vraiment très, très élémentaire. Mais je pratique cet atelier depuis 8 ans, depuis le début du département, et je crois que ça porte ses fruits. Est-ce que de sa pratique, lui, de réalisateur, au fil des ans, ses ateliers, justement, où s'enrichissent, au contraire, lui, de sa propre réflexion ? あのまあ、豊かになっていくといいなと思うんですけど、まあ、年々いろいろ学生のリアクションとかその時の自分自身の感じた成果も反映しながら、まあ、もちろん新しいアイデアが浮かんだ時もありますので、まあ、少しずつ改良しています。 J'espère que effectivement cette pratique s'enrichit. Je suis mal placé pour en parler, mais ce qui est sûr, évidemment, c'est d'année en année, j'intègre à la fois les réactions des étudiants et puisque moi-même j'ai pu percevoir de l'exercice pour eux. Et donc voilà, petit à petit, progressivement, j'essaie effectivement, bien sûr, d'intégrer de nouvelles idées, de nouvelles approches. Autrefois, je faisais aussi systématiquement pour les étudiants, j'amenais du film vierge, du film 35 mm, et je leur faisais travailler sur la pellicule. Donc ils avaient une minute, enfin, un exercice en 35 à faire de peinture ou de grattage. Maintenant, on est passé, on a renoncé à ça, on passe sur l'application McLaren. Donc, ils ont un exercice à faire sur cette application. Comment c'est mis en place? Est-ce que c'est rapidement, on passe à l'animation? Je pense que c'est des étudiants qui arrivent déjà avec, est-ce qu'ils arrivent déjà avec un bagage de cinéma d'animation? あの、1年生になってすぐやっぱりアニメーションに取り組むんですか？ そうですね、あの一応、まあ、1年生の自分の作品、課題制作は、まあ、今、なかなか時間がやはり、だから全然4月からは一応、演習を中心にして、実際、今回、課題制作は、まあ、夏休み前にということですけど、まあ、ただ、あのもう入学した時点から、アイデアを出させて、少しずつ、もう少しその期間を少しでも稼げるような、今、体制になっています。 あとみんな、みんながみんなね、アニメーションの腕も。 ああ、そのことに関しては、そうですね、あのアニメーションのスキルに関しては、やっぱりうちは大学院しかないので、いろんな学部から来ていて、いわゆる動画のスキルを並んできた学生もいれば、そうじゃない学生もいて、もう最近はなんかあまり、そういうアニメーションの成功で4年間やってきた学生の入学の比率はなんか減ってる気はするんですけどね。 Alors, d'abord, on est dans un master, c'est-à-dire qu'on est, on a que des étudiants qui ont déjà 4 ans d'études derrière eux. Et donc, on n'a pas ce programme de 4 ans d'études en interne à Gedai, donc au sein de notre université. Donc, les étudiants viennent d'autres départements, département design par exemple de chez nous, ou de départements qui font d'animation, mais d'autres universités. Donc, il y a une diversité des profils qui fait qu'il n'y a pas de niveau standard, niveau unifié au niveau des compétences. L'année au Japon commence au mois d'avril, hein, de manière administrative académique également. Et donc les premiers exercices vraiment en pratique d'animation, ils doivent livrer leurs résultats au début de l'été, avant la fin du premier semestre, c'est-à-dire pour en général le début du mois de juillet. Donc ils commencent à travailler un petit peu à partir du mois de juin. On commence en fait à avril, on a beaucoup surtout effectivement de ces ateliers et de cours théoriques, enfin de cours de base un petit peu qu'on essaie de leur donner. Voilà. Et donc ces dernières années, j'ai l'impression que la tendance, c'est que les étudiants qui viennent de cursus d'animation, qui ont fait 4 ans sur l'animation au niveau précédent, leur ratio a tendance, j'ai l'impression, à être un peu moindre que les années précédentes. Donc on a que davantage d'étudiants qui ont d'autres profils. Est-ce que c'est important, on disait qu'alors on apprenait qu'il y avait 16 étudiants, oui, à peu près un par an. Est-ce que c'est bien de rester dans une, justement dans cette assez correct, on va dire, en tout cas je pense pour travailler peut-être élève. まあギリギリかなと思います。まあ、あの個人的な意見を言えばもう少し少なくても10人ぐらいが理想的だと思いますけど、まあ、なかなかそれは少なすぎるので、はい、10人ぐらいはまあベストだと思うんですけど、まあ、でも16人がギリギリ個別指導ができる。 なるほど。Je crois que c'est un effectif un peu limite. C'est-à-dire que pour moi, on peut suivre effectivement de manière individuelle jusqu'à 16 étudiants, mais on ne peut pas aller au-delà. Et donc, si je vous donne mon avis à titre personnel, je pense que ce serait mieux d'avoir peut-être plutôt une dizaine d'étudiants. Je pense qu'on pourrait les suivre encore mieux, mais on peut le faire effectivement jusqu'à 16, ça, c'est jouable. Si j'étais content aussi de vous recevoir aujourd'hui, de recevoir la GEDAI aujourd'hui, c'est par la diversité des profils des films en tout cas, donc, pas des étudiants mais des films. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on a dès l'arrivée des étudiants en fait, quand on les choisit? そうですね、まあ、当然こちらもそういうことは意識して学生は選んでいるつもりですけど、まあ、選ぶといってもやはり、まあ、ある程度いろいろなレベルをクリアした学生が、まあ、16人集まっているので半分は偶然ですね。それほど選択肢があるわけではないんですけどね。はい。 Écoutez, oui, alors pour ma part, enfin, de notre côté, nous qui les sélectionnons lors du processus effectivement, des examens d'entrée, on est conscient de ça, on essaie effectivement de les choisir en conscience par rapport à cette idée-là. Mais de fait, ils sont des étudiants effectivement, qui sont de niveau assez varié également, qui parviennent à franchir les différentes étapes. Et il faut bien être, soyons clairs, je pense qu'au cours de ce processus de sélection, il y a aussi une part de contingence qui, est, je pense, au moins pour moitié joue dans le processus. Il y a quelques étudiants étrangers. そうですね、まあ、アジアが多いですけど、たまにヨーロッパから受験する学生もいますけど、まあ、そうですね、ただ、なかなか能力的に、特に、まあ、言語の問題も大きいですけど、まあ、我々としてはできればもっとその民族的にも多様な学生が来てほしいなとは思っています。 Oui, on a des étudiants étrangers, principalement des pays voisins, des pays d'Asie. On a de temps en temps également des étudiants qui viennent d'autres aires régionales, notamment des étudiants qui sont nous, qui viennent passer l'examen d'entrée. Alors, malheureusement, c'est très difficile pour eux de franchir ces étapes, puisqu'il y a bien sûr la part de la langue, entre autres. Mais nous, sur le fond, notre souhait, effectivement, ce serait de pouvoir franchir également ces barrières-là régionales, c'est-à-dire d'avoir effectivement une plus grande diversité au sein des étudiants. Ça, pour nous, c'est notre souhait. Est-ce que c'est important de créer une classe justement où il y a des interactions, on va dire, entre des gens différents, des styles différents, そうですね。それは 意外と意識してると思いますね。あのやっぱりその制作は個人制作ですけど、やはり16人がまあチームというか、あのそこの人間関係でやっぱりいろいろなものが発生してくるので、あのなるべくそうですね、あのいろいろなタイプの人を偏らないように、性格的な部分でもあの多少そういう配慮はあります。 Oui, effectivement, de manière peut-être inattendue, c'est quelque chose dont on essaie d'être vraiment assez conscient. On est dans une logique de création individuelle. Chaque étudiant, chaque étudiante a travaillé sur ces films. Mais évidemment, on sait qu'ils vont avoir passé deux ans ensemble, sur le même lieu, à travailler pour certains exercices ensemble, etc. Ils vont partager un quotidien. Et donc, pour nous, ça fait partie des éléments aussi dans ce qu'on essaie de mettre en place, d'éviter de réunir des gens qui se ressemblent trop. Voilà, de manière effectivement à créer un petit peu ces effets aussi de franchissement de la distance. Est-ce qu'on peut peut-être avoir justement une réaction de M. Ito ? Ah, Ito, là, juste pour justement ce mélange des élèves, est-ce que enfin voilà, c'est important et lui a ressenti ça dans sa création ? Donc c'est un mix. どういうふうに感じますか ? そういうふうにこういろんな人がとかみんな一緒とかどんな感じですか ？ もう本当に寝食を共にしてその場で本当にね、ソファーで考えたりとかして、本当にもういろんな作品についてディスカッションっていうか、もう自分企画について話し合って膨らませていくっていうところもあるので、本当に刺激になってる。 なるほど。Écoutez, pour tout vous dire, nous, certains étudiants vivent presque à l'école, hein, on mange ensemble, certains dorment sur place, etc. Donc on partage vraiment un quotidien de manière très très dense. Et donc, entre étudiants, donc plutôt en deuxième année actuellement, entre étudiants, bien sûr, on y a un quotidien qui est fait de discussions permanentes. On discute des films, on discute des cours, on discute des projets de chacun, etc. Et donc, il y a une émulation, une stimulation qui est vraiment très, très intense. Le pourcentage homme-femme ? Oui. Les garçons sont en minorité. Donc là, c'est actuellement, donc les étudiants sur les 16 étudiants par année, on a dans mon année, donc en deuxième année, on est 4 garçons, le reste ce sont des filles, et en première année, donc ceux qui viennent de rentrer, ils sont 6 garçons. Voilà. Est-ce qu'on peut lui demander les ateliers, comment ils vivent ça ? Toujours. あの全体的に、パソコンも一緒に、もう半年とか夏までの本当短い期間で、とにかく大量にかなり短い期間で瞬発的にこうどんどん作っていくので、もう本当にいろんな領域のいろんな方向のアニメーションを一気にやるので、本当になんでしょう、スキルアップというか。 Alors dans l'espace d'un semestre, donc de 6 mois, qui est un temps très court, on est confronté à en fait une sorte de mitraillette. Il y a énormément de ces exercices qui s'enchaînent les uns aux autres sur un rythme très rapide. Donc on est sollicité dans une forme d'immédiateté, il faut pouvoir effectivement répondre. Et donc on passe d'une méthode à l'autre, d'une approche à l'autre, d'une technique à l'autre. On est dans une espèce d'enchaînement très rapide qui permet, je pense, effectivement d'élever de manière très rapide effectivement nos propres niveaux finalement d'appréhension de ces différents enjeux. Quelle est la part entre on parle beaucoup de pratique, ouais. Quelle est la part de la théorie? D'accord. Dans les cours. あの実際というか実践が大変まあ多分重視されるというか多く語られると思いますけど、その理論はどうなんですか？C'est pour la question pour qui ? Hein ? La question pour qui ? Pardon. Pour M. Amoro, par exemple. 福山タルト教授が理論の担当という、まあ、あの専門領域で、教えていて、実際論文書くのはほぼもう修士の終わりの頃にどうしてもなってしまって、一応準備は、してもらってるんですけど、だから実際 その例えば理論的な論文 の指導という面ではまだまだちょっといい人という。切れない。もちろんイランさんもそういった各演習的なことをやっていただいてますけど、もちろん理論 の講座というか座学もたくさんあるので、知識 きとしてはいろいろ得ていると思うんですけど、自分が自身が書いたりっていう部分でまだちょっと足りてない気がします。 Alors, en ce qui concerne la théorie, sur ce qui relève de la recherche de la théorie, on a donc un des quatre professeurs, M. Fuyama, est en charge de ces questions. Donc, c'est lui qui enseigne donc, aux étudiants et qui est chargé aussi du suivi de leur thèse, puisqu'ils ont un mémoire à présenter en fin de deuxième année. La plupart d'entre eux, finalement, s'y attellent après avoir fini leur film de fin d'études, donc c'est-à-dire à la toute fin, ce qui n'est pas exactement la meilleure manière d'apprendre les questions théoriques. Mais donc je pense qu'on a encore des progrès à faire de ce côté-là. C'est-à-dire que, effectivement, le résultat au niveau des textes, des mémoires, ne me semble pas encore tout à fait satisfaisant. Alors après, il y a beaucoup de cours théoriques également. Donc, en termes de signal, ils reçoivent beaucoup de choses, ils reçoivent beaucoup de connaissances. Après, la question, c'est de savoir effectivement dans quelle mesure ils sont capables eux-mêmes, par eux-mêmes, de penser, de réfléchir, d'écrire. Donc voilà, il y a des cours en première année, on les force à écrire, tout ça. Mais on est, ça ne suffit pas encore. Effectivement, on voit bien qu'ils ont encore du mal effectivement, à entrer par eux-mêmes dans une réflexion. Je vais quand même être obligé de te poser au moins une question à toi, parce que tu es professeur là-bas et tu as passé rapidement en disant on les oblige à écrire. Mais je sais que ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour toi, l'idée de qu'ils réfléchissent en fait aussi à un niveau théorique sur leur ce qu'ils ont à dire finalement. En première année, on essaie de les forcer à. C'est difficile de les songer japonais, donc ils sont pas forcément très expansifs. Ils sont en plus s'intéressent à l'animation, donc ils sont d'autant plus un petit peu introvertis. Et donc c'est très très difficile à l'oral d'obtenir une réaction de leur part. Donc l'idée de les forcer à réfléchir, parce que si on peut éviter. Toujours plus amusant apparemment, passe par le fait de leur faire écrire des textes. Donc effectivement, on leur montre un film, on les oblige à écrire des textes, puisque c'est plus évidemment la pensée se formule, mais se construit, se structure mieux à l'écrit. Alors il y a des textes qu'ils écrivent en classe, des textes qu'ils écrivent en dehors des cours. Et puis l'idée, c'est pour les forcer effectivement ensuite à entrer dans une réflexion sur le texte, c'est pas être uniquement dans l'impressif. C'est de partager tous les textes de tout le monde de manière anonyme, et donc ensuite on discute sur les textes, on discute sur chacun découvre le point de vue des autres et découvre des choses qui peut-être lui ont échappé dans le film, et on discute de l'adéquation de chaque, non pas de chaque texte, simplement purement de chaque texte, mais de l'adéquation du texte de chaque texte avec l'objet initial qui est le film, et on se rend compte qu'il y a plein de choses, il y a des perceptions erronées, il y a des interprétations qui sont complètement à côté de la plaque, et en général, donc, au terme de cette longue discussion qui nous laisse sur les rotules les uns les autres, on revoit le film qui nous permet de vérifier effectivement ce qui a été discuté, des choses qui étaient un petit peu en suspens, est-ce qu'on est sûr de ça ou pas, et donc là on approfondit, effectivement on creuse, on sait que ce film-là, contrairement au cours purement de connaissances où on leur donne un film à voir, puis ça rentre par là, ça sort par là, le film, ils auront plus de mal à l'oublier, voilà. On a vu tout à l'heure les noms impressionnants des conférenciers de Yuri Norstein et Michel Lemieux, Georges Spiegelberg. Est-ce que ça d'intégrer toutes les possibilités de l'animation, on va dire, et tous les grands noms de l'animation comme ça, et leur faire comprendre le médium, on va dire, sous toutes ses formes, est vraiment important. まあ確かに海外ゲストに関してはちょっとそういう傾向あるかと思います、まあ、最近またちょっと変わってきていると思いますけど、まあ、多分紹介された有名な監督たちは主に僕がお呼びしている方々なんで、他にもアリオン系の方ですとか、より実践的な監督も来ております。 Oui, bien sûr. Là, je pense que en particulier pour les invités qui viennent de l'étranger, les intervenants qui viennent nous rendre visite de l'étranger, on peut dire ça, effectivement. Et pour les noms que vous citez, la plupart, c'est moi qui ai fait en sorte de les inviter, de les faire venir, de concrétiser leur venue. Mais on a accueilli aussi beaucoup d'autres intervenants, que ce soit donc japonais ou autres, qui ne sont pas forcément dans cette ligne-là. Aussi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus effectivement dans la pratique, ou plus effectivement du côté production collective, etc. Il y a toutes sortes de choses sorte d'intervenant qu'on accueille. Juste de manière très concrète, par exemple, quand quelqu'un ou Michel Lemieux vient, Michel Lemieux, comment se passe une rencontre avec Michel Lemieux ? どのような形を取るんですか ? そのこうやり取りが。 お呼びするまでという意味ではなくて、来てから ですね。実際 のところですね。一つメインにはコンテンポラリーアニメーションという入門という公開講座で一般向けに講演と上映をするというのと、あと学生向けにワークショップ、ミシェル・ミューさんの場合はピースクリーンを持ってこれなかったので、ピンを使ったワークショップをしていただきました。 Alors, l'un des contextes dans lequel on peut inviter des intervenants étrangers tous les ans, c'est ce qui est intitulé Introduction à l'animation contemporaine. C'est une série de cours publics qui sont destinés notamment qui sont ouverts à la participation de tous et qui s'adressent notamment à la citoyens de la ville de Yokohama ou de notre école, sous la forme donc de conférences avec projection de films et explications effectivement donc du parcours de l'invité. Et d'autre part, donc souvent on organise donc des ateliers avec les étudiants donc de manière plus fermée. Et pour Michèle Lemieux, ce qui s'est passé, alors elle pouvait pas amener l'écran d'épargne avec elle. Elle a fait un atelier d'animation avec les étudiants qui était un atelier de stop motion avec des épingles. Donc ils devaient animer des épingles en volume, donc animer sous la caméra des épingles et créer des mouvements des personnages avec ces épingles. Juste une petite, si jamais quelqu'un peut me trouver Elodie, je suis désolé, c'est pas vraiment technique. Hein, t'es là ? C'est parce que j'ai l'impression que l'ordinateur va. Il n'y a pas de batterie. Enfin, voilà, je suis désolé, et je panique un peu depuis tout à l'heure donc. まあ、あの、僕としては個人制作のドキュメンタリーの、アニメーション興味があって、そういう監督たちをお呼びしてるんですけど、結局それのなんか成功への道というか、実際、まあ、それで生きていく道という、まあ、方法はないわけで、どんなケーススタディを見てもらいたいというのが、まあ、一つにあります。だから、レイビーさんの場合も最初はイラストレーターとして成功して、まあ、その後は自分自身の作品を、監督したと。そして、まあ、ビースクリートの出会いがあったという、まあ、そういった、あの、キャリアの話を主に、はい、していただくっていうのは、まあ、目的であります。 ce qui m'intéresse dans l'animation, c'est le travail individuel, c'est-à-dire c'est la création personnelle. Et donc, c'est un domaine dans lequel, finalement, il n'y a pas de voie établie, il n'y a pas de chemin vers le succès qu'on puisse considérer comme une sorte de recette. Et donc, ce qui est assez important, c'est d'autant plus important pour moi d'étudier des cas divers et variés, de voir effectivement comment les uns les autres, effectivement, quel est leur parcours. Donc, dans le cas de Michèle Lemieux, voilà comment elle a commencé comme illustratrice, comment elle a été amenée à travailler, à réaliser une adaptation d'un de ses livres en animation, et puis comment elle a fait la rencontre de l'écran d'épingle. Donc, ces différents parcours individuels, ces chemins comme ça, eh bien, je pense, sont importants, effectivement, à connaître pour nos étudiants, effectivement, comme autant de précédents qui ont une valeur, effectivement, à leurs yeux, d'autant plus grande qu'il n'y a pas de. Alors justement, comme il n'y a pas de recette, comment on fait quand on crée une pédagogie et de laisser finalement chaque élève. Alors un élément qui pour moi je pense est le plus important c'est de réussir vraiment à former des étudiants qui aient leur propre capacité de jugement, c'est-à-dire leur autonomie en termes de réflexion. Et, s'ils sont leur permettent effectivement d'acquérir ces réflexes-là, je pense leur permet effectivement de faire face à toutes sortes de situations, quels que soient les contextes dans lesquels ils se trouveront après l'école, ils seront en mesure effectivement de réagir, de trouver, d'ouvrir leur propre chemin. Cette espèce de libre arbitre, cette capacité effectivement à penser par soi-même, c'est la clé à mon avis. Mais c'est jamais évident parce que les élèves viennent aussi pour apprendre et comme l'expert, une formule des fois pour certains. まあそれはもうあの 多分そういう人はうまくいかないと思います。その人さ、あ、サタンと適当なあの、あの、レシピ通りにいけると思って。その、それ、レシピ通りにいけると思って。その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、 で言ってもやっぱりその学校出てその後まあ多分10年ぐらいいろいろな社会経験をしてからで初めて少しずつそれぞれの道がこう見えてくるのがまあまあ多いかなという気がするんです。だから本当のそのこの芸大の成果が見え始めるのはこれからここ数年からかなと思っています。 ただし、まあ、だから在学中でやっぱりその全員が卒業するわけじゃないね。 うん、あ、そうですね。もちろん留年する学生もいますし、あの、はい、あの、辞めてしまう学生もいます。 で、c'est alors d'une manière générale très largement, bon, le département a été fondé il y a 8 ans, et donc c'est encore très tôt pour faire une sorte de bilan, de se rendre compte effectivement de savoir de quelle manière ça marche, ça marche pas. Moi, à titre personnel, j'ai tendance à penser que c'est après la sortie de l'école que les choses se jouent, c'est-à-dire dans la décennie qui suit la sortie de l'école, voire c'est au fil des expériences accumulées dans cette période-là que vont se faire jour les différents chemins pour les uns pour les autres. Je pense qu'on a besoin encore quelques années pour pouvoir faire un point un petit peu serein par rapport effectivement à ça. Alors après, un élément purement factuel, c'est qu'effectivement, sur les 16 étudiants qui rentrent chaque année, tous ne terminent pas. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui prennent plus de temps, pour lesquels il faut plus de 2 ans, qui restent une année de plus, qui ont des besoins de nuit de santé, etc. Il y a certains renoncent aussi. Si vous pouvez le voir par le nombre de films qui sortent chaque année, c'est pas 16 films par an qui sortent. On a ça aussi. Alors, on va deux, trois petites dernières questions avant de passer au film de M. Ito qu'on va voir. Quand on est réalisateur connu comme M. Yamamura, par exemple, si on prend, alors, c'est moi qui vois ça, mais de certaines écoles russes, par exemple, on voit plein de films qui ressemblent à Vivian Maximoff, qui est professeur. Comment M. Yamamura fait pour ne pas avoir justement des étudiants qui créent ce style à lui, quoi, son style. 例えば, ロシアの学校を見ると、そのマキシモフ流の作品が大量生産されるとかいうような現象はありますけど、作り手としてそういうふうにね、自分のこうものをこう真似るというようなこうことにならないような指導はどのようにするんですか。 基本的にはなるべく僕の作品を見せないで、それで自分自身の作品の具体的なことは話さない。ただ僕自分自身がいろいろアニメーションについて考えてきた他の作家や他の理論やいろんなそういったことを中心に話すというふうにしています。 Alors, très simplement, moi, dans toute la mesure du possible, c'est très largement, et dans ce même totalement, je ne montre pas mes films et je ne parle pas de mes films, en fait. Donc, dans la pédagogie, je traite uniquement, effectivement, d'auteurs tiers, c'est-à-dire les travaux d'autres réalisateurs et ce que j'en tire, effectivement, en termes de réflexion, en termes de leçons, en termes de compréhension, d'appréhension, c'est ça que je partage avec les étudiants. もちろん教員は僕だけではないというのももちろん理由としてあります。我々も本当4人での教授で文化科学中心になってこう見ていくという体制をとっていますので。 Bien sûr, c'est lié au fait aussi que je ne suis pas le seul enseignant dans cette école. On est 4 professeurs, donc il y a chacun avec sa tendance, ses inclinations, et donc voilà, ça forme un ensemble, un tout, que cette formation, avec ses contributions un peu complémentaires. Quand on voit, encore une fois, j'insiste, mais des différences assez étonnantes. Comment on travaille vraiment, ça c'est quelque chose qui me avec par exemple, on a vu un tout petit peu, mais évidemment qu'on a vu l'année dernière avec un étudiant qui fait qui fait aussi bien ça. Koya kun no alors ça mono to le son, pourquoi le son, c'est peut-être moi qui ai baissé tout à l'heure. あまりにもね、こう違ってて、これどう指導するんだろう。 この。あ、mais qui fait un étudiant qui fait ça? Je vous montre des tout petits extraits, on va pas, mais aussi un autre étudiant par exemple. あ、池さんね。 Qui va vers ce genre de film? On est moi chaque fois que je vois les films de la Guinée, c'est l'une des rares écoles, on va dire, avec je le dis souvent, le Royal College of Art. Peut-être l'ANSAD, et encore, je suis même pas sûr, avoir cette énorme diversité. Ouais. Comment on laisse finalement cette diversité être dans une école ? 世界的に見てもそのアーチとかドエンサードある程度あるのかなっていう、そのこうこんなにもやっぱその多様性をそのこう排出できるっていうのは、だからどこから可能なのか、こう不思議な。 まあ多様性に見えるんでしょうね。 で、oui, je まあ、まず単純にテクニックの面で言えば何も縛りはまあ設けていないというのはあります。 Un élément bien sûr élémentaire, c'est qu'on n'a pas de restriction sur le plan technique. Les étudiants vont pas rentrer dans un chemin plutôt qu'un autre en termes de technique. あとまあこれはぜひ伊藤君にも聞いてもらった方がいいかもしれないですけど、なんでしょうね。多分いろいろこのその集中的な半年の演習とか講評会とかで多分これまで考えてきたことがかなり崩されると思うんですね。そうすると2年間ただただ悩んで終わる学生がかなりいるんです。その辺で多分そのまあある 方向が定まらないままこうなんとかこう形にするという終了作品が、まあ、僕はいくつか見受けられて、それが外から見れば一つの多様性になっているのかなというのはあると思います。いやこれは消極的じゃなくて、その壊すべきだと思ってるんですね。そのこの高々二十数何歳の時にスタイルやテクニックを身につけてしまうことこそ危険で、あの、まあ、そういったものはできれば全部一度リセットしてほしいなというのが、まあ、僕の考え方なんです。まあ、それが多様性につながっていると思います。 Oui, donc voilà, ça c'est une chose, mais il y a un autre élément, je dirais, au cours de ce premier semestre, ces premiers six mois, avec les différents exercices, les ateliers, etc., cette intensité qu'on a évoquée tout à l'heure, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on a ce qu'on appelle des sessions d'évaluation, qui sont en fait des réunions communes régulières, tous les deux mois, ou même davantage, où tous les étudiants d'une année sont réunis pour faire des présentations d'étapes de leur projet de l'année en cours, devant tous les étudiants de la même année et devant tous les professeurs, et donc les professeurs commentent, tout le monde, les quatre professeurs commentent, et les intervenants sont également, commentent chaque projet devant tout le monde. Et donc, que ce soit les ateliers du premier semestre ou ces différentes réunions régulières, je pense que ça a pour, ce serait bien de poser la question à M. Hutto d'ailleurs, mais ça a pour effet, je pense, de mettre à bas, de réduire quasiment à néant, enfin en tout cas de briser les idées reçues que les étudiants pouvaient avoir en arrivant. Ils arrivaient, ils sont venus avec chacun un petit peu leur idée. Et du coup, du fait de mettre la pagaille dans leurs idées reçues, ça a pour résultat effectivement que, bah, sans trop fixer de réponse ou de trouver déjà de chemin établi, ils sont dans une espèce de flottement et ils trouvent une réponse qui est de cette nature-là et qui vous apparaît comme une forme de diversité. Et le fait de d'évoquer ça de cette manière-là, c'est pas du tout, comment dirais-je, une manière de le dévaloriser. Parce que moi, je pense qu'il faut détruire justement leurs idées reçues quand ils arrivent. Ils entrent chez nous, ils ont 22 ans, 23 ans, peut-être 25. Moi, c'est l'idée même qu'à cet âge-là, ils soient déjà dans une seule technique, dans un style, que tout soit déjà arrêté pour eux fixer. C'est ça qui me semble dangereux et qui me fait peur. Donc ça me semble important justement de remettre à zéro le compteur et de leur ouvrir d'autres possibilités, avec pour conséquence effectivement que du coup, ils n'ont pas de réponse toute faite. Voilà. 4人の教授の方、講評会とかで本当に言うことが、 はい、 本当に違うので、 ですね、はい、 それで、そうですね、うまく消化できないことが多くて、 はい、 そのどうしようどうしようとなって、時間がどんどんなくなっていくことが。 Alors, oui, il faut bien connaître que lors de ces réunions, donc d'évaluation, chaque professeur fournit un commentaire et souvent les commentaires se contredisent, ils ne sont pas d'accord entre eux, etc. Donc pour nous, il y a cette diversité d'avis effectivement, qu'il faut réussir à digérer de cette manière, il faut réussir à faire son miel, à trouver ses propres réponses par rapport à ces éléments divergents. Et ce n'est pas évident, effectivement, souvent on est un petit peu démunis, on ne sait pas exactement dans quelle direction avancer, mais le temps passe et donc il faut malgré tout avancer d'une manière ou d'autre. Donc voilà, on avance contraint par le temps, mais sans forcément avoir réussi à soi-même effectivement à faire tout le chemin nécessaire en termes d'appréhension par rapport à ce qui nous est donné. J'ai l'impression depuis qu'on parle tout à l'heure que le dialogue, oui, la discussion est vraiment très très importante dans dans l'école. あの対話というかそのやっぱりそのそういう話し合いという側面が大変重要にまあ聞こえるわけですね。今までの話聞いて。 まあ確かにそうだと思います。はい。 Tout à fait。あのゼミとかね。 そうですね。あの基本的にはゼミで、あのまあ教員担当の教授というかなり面と向かってあのいろいろな話をしながら、あの作品の形にしていくというスタイルを取っています。まあ、でポイントポイントでそういう公表会が入ってまた混乱するという。 あとオープンも。Oui, cette dimension du dialogue, elle est aussi au cœur du système qui nous régit après le premier semestre. C'est-à-dire la deuxième semestre de la première année et toute la deuxième année sont basées sur le principe du séminaire, donc de manière régulière, hebdomadaire ou bimensuelle. On se réunit donc, et donc là il y a un suivi, effectivement un état des lieux régulier qui est fait avec le professeur en charge donc de l'élève en question. Et donc voilà, là il y a un dialogue qui s'établit de manière très franche, on est face à face, effectivement où on en est, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les avancées, qu'est-ce qui pose problème, etc. Il y a ce rythme-là avec l'enseignant référent, et puis ensuite les réunions régulières qui rythment là, donc avec ses autres avis ce parcours. Alors, juste après, je vais vous laisser la parole si vous avez évidemment des questions. On va, avant de regarder le film de M. Hutto, je voulais demander, est-ce que vous savez les pas les débuchés, mais ce que font les élèves, est-ce qu'il y en a qui vont… その道はどの程度こう把握されてるのかっていうこと、ちょっと起業する学生もいます。今回もそのプレゼンテーションはなんでしょうね。あの、ミハの方で、あ、西箱と、あの、ゲータの卒業生があります。しますけど、それ個人事務所ですね。ピコだと、あの、なんだっけ、あれ、何の枠だっけ。 プレゼンはい、まあ、企業プレゼンです。まあ、そういう小さい企業を作って、自分で、まあ、会社を立ち上げる学生もいれば、まあ、いわゆる、まあ、産業的なアニメーションプロダクションに入る学生もいる。まあ、あと、まあ、ゲーム会社に行く学生もいる。で、まあ、多分半分いかないぐらいが、やっぱフリーランスで、まあ、あの、いろいろな、個人の仕事を受けながら、まあ、制作の道を探るっていう、という感じですかね。 Alors, certains étudiants, on le sait, créent leur petit studio à la sortie de l'école. Certains, je crois que cette année, il y a dû avoir deux anciens étudiants qui font des présentations comme ça dans l'un des contextes de pitch, je ne sais pas trop quoi, qui se déroule, je pense, au Nifa. Certains rentrent vraiment dans l'industrie, dans des compagnies, des grands studios de production. Certains vont aussi du côté du jeu vidéo, qui est aussi demandeur aussi d'un certain nombre de talents. Et puis bon, à peu près la moitié d'entre eux ne feront aucun de ces mouvements-là et resteront plus ou moins freelance, c'est-à-dire qu'ils travailleront de manière ponctuelle sur des projets des uns des autres, tout en essayant de continuer à réaliser leur propre projet. Donc quand même donc une moitié plutôt dans freelance. Donc en fait, il n'y a pas cette angoisse qu'ont certaines écoles de donner une, on va dire, des bases techniques absolument pour que les élèves sortent et du travail. Je suis étonné que ce n'est pas le cas dans le secteur, ou que ce n'est pas le cas dans le secteur, ou que ce n'est pas le cas dans le secteur, ou que ce n'est pas le cas dans le secteur, ou que ce n'est pas le cas dans le secteur, ou que ce n'est pas le cas dans le secteur. Oui, c'est vrai. Non, effectivement, ce n'est pas un enjeu pour nous d'attendre le temps. Alors, on va regarder le film. Alors, juste qui m'excuse, on vient de débuter. J'espère qu'avec VLC ça va marcher. Sinon, on s'arrêtera, on prendra le time. Voilà, on croise les doigts que. Désolé si jamais. Donc, je vais demander qu'on éteigne, mais il est déjà parti. Je pense que c'est bon pour éteindre. J'attends. Et c'est parti. Ça, par exemple, sur un film comme ça, qu'est-ce qui est le départ, la base pour faire le film, c'est le travail avec la musique, avec monsieur, bien sûr. ビジュアルなのか、音とかでもなく、文字で、ビジュアルですね。絵をどんどん描いていった中で、ドローイングと、文字とかで考えていくところを交互にこう行き来していく中で考えていきました。 Pour moi, c'est autre chose que simplement la dimension visuelle ou la dimension musicale. C'est un travail qui passe par le fait de dessiner beaucoup et par des allers-retours entre une dimension de dessin comme ça accumulée et une dimension textuelle, c'est-à-dire le fait d'essayer de formuler verbalement les choses. Donc je fais des allers-retours entre les deux et j'essaie donc d'avancer de cette manière-là. Là, au niveau, il y a une force dans la technique, dans le visuel. Il y a quelque chose en effet qui est très vivant, qui joue avec la flamme et. Donc comment il a travaillé ça ? 紙に鉛筆で全部真っ黒に塗りつぶして、それを消しゴムで消して、でライトボックスの上に置いて、それを上から撮影するっていう手法を取っています。 L'enjeu pour ce film, c'était de l'enjeu principal pour moi, c'était la manière de représenter la lumière. Alors comment est-ce qu'on représente la lumière, et donc le procédé technique concrètement, c'est que feuille par feuille, en fait, je noircissais au graphite, au crayon, à papier, je créais un cadre noir, et ensuite, pour créer le dessin, je gommais, en fait, ces traces accumulées, donc un peu à la manière de gravure. Feuille par feuille, je dessinais à la gomme sur cette trame que j'avais d'abord créée image par image, et ensuite, c'était une prise de vue donc sous la caméra avec l'iPod. Donc voilà, la forme que ça a pris. Est-ce qu'il y a des moments donnés où on se remet en question, justement, comme on disait, à travers les ateliers ou avec ce que disent les professeurs? で最後の方まで本当に時間がどうのこうのって言ってやってたんですけど、それも、まあ、時間というテーマが難しすぎたっていうこともあるんですけど、そうですね、高評価の中で悩み続けて、でこういうの作品がなんか自分どういう作品なのかっていうことが自分でもわからないままもうこう終わったという感じで、全くコントロールができていないという例の一つですね。 En fait, moi au départ, tout du long en fait, de ce processus, c'est le film de première année, je voulais faire un film sur le temps, la temporalité, etc. Et jusqu'à la fin, de manière assez tardive dans ces réunions d'étapes, j'en suis resté à cette idée-là. Et finalement, c'était un enjeu qui était un défi qui était trop grand pour moi. J'ai continué donc finalement à hésiter à me poser des questions. Et finalement, le film a pris cette forme-là, donc il ne traite pas de cette question-là. Et d'une certaine manière, je pense que ce film-là je l'ai achevé, il a pris forme, il a été terminé sans que je sois pour autant en mesure effectivement de le comprendre entièrement. Pour moi, c'est quelque chose qui est pas encore totalement digérant. Alors, c'est jamais facile de commenter aussi un film. Moi, je le découvre aujourd'hui, donc c'est évidemment pas facile d'un seul coup de commenter. Mais il y a quand même cette dimension de temps, en tout cas, parce que de répétition, jouer avec la répétition, qui est quand même importante. Ouais. 今日初めて拝見したんですけど、それでコメントするのも難しいんだけど、やっぱりそういった繰り返しのね、この行為の繰り返しによって、それやっぱりその時間性というか、の側面が入ってるんじゃないかと思います。 Qui est quand même bien présent. C'était pas une question, en effet. est-ce que quand on est en première année, on réfléchit déjà à cette deuxième année certains étudiants, je pense, sont dans cette logique-là. Moi, c'était pas du tout le cas. Effectivement, en première année, j'étais absolument pas dans l'idée de savoir ce que j'allais faire cette année. Je suis désolé, pardon, Mais c'est peut-être le moment de prendre des questions de la salle. Oui. Pardon, excusez-moi. Tu prends une technique. Est-ce qu'il y a des questions, en effet, dans la salle déjà, que ça soit aussi bien pour le film qu'on vient de voir, aussi bien par rapport à la Guédaille, de voir, pas évidemment pour M. Yamamura sur son travail, puisqu'on aura la chance de l'avoir demain, donc ça sera autre chose. Est-ce qu'il y a déjà une question? Pas forcément de questions, c'est toujours... Si. Ok. Vas-y. D'un point de vue de la langue, j'ai cru voir sur le site qu'il fallait parler couramment japonais. Oui, en nihongo. Tout à l'heure, on a parlé de possibilité d'ouvrir plus aux étudiants étrangers, etc. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, il y aura éventuellement des cours en anglais? Est-ce qu'il pourrait y avoir des cours en anglais ou est-ce que ça restera des cours en japonais? 今1つだけあるかな。大学全体の方向性としてはグローバル性とか英語、日本これ現代じゃなくてね、英語の授業を増やしましょうという方向性はあるので、多分、小学校で来ると思います。ただ、やはりどうしても基本的には、かなり個別指導ですし、やはり日本語の方が、より深い話ができるので、我々としては、ところなかなか難しい、完全に国際化開くのはまだまだ。 Alors on a certains enseignements, il y a au moins un cours qui se déroule en anglais dans le département, et puis au sein de l'université, on est dans ce mouvement de toute façon, hein, de globalisation, d'intégration de cours d'enseignement de plus en plus nombreux effectivement en anglais. Maintenant, pour répondre sur le fond, sachant qu'on est dans une logique qui est celle d'un suivi individuel, pour, dans le cadre d'un suivi individuel, pouvoir aller approfondir au maximum, aller au fond des choses, pour nous, on pourrait faire un suivi en anglais, mais je pense que on irait beaucoup moins loin. Le fait de faire ce suivi dans notre langue nous permet effectivement d'aller au bout de cet échange, de cette réflexion. Et donc, je pense que c'est pas pour demain que ce pas-là sera franchi pour un suivi en anglais, malheureusement. J'ai du mal encore à visualiser effectivement une ouverture complète effectivement à cet égard. J'aimerais demander à M. Ito, on a l'impression d'une liberté, oui. Et à la fois d'une liberté très, très cadrée quand même dans l'école. Ito-san, je suis très heureux de vous dire que Oui, on est effectivement normalement, si on y pense tranquillement, on est censé être libre, effectivement, on est censé avoir cette liberté, mais heureusement, effectivement, on n'est pas dans une espèce de, comment dirais-je, de joie. On n'est pas dans dans un processus qui prendrait son élan, son essor sans la moindre contrainte. Je pense qu'on a tendance effectivement à ressentir une forme de pression. Alors c'est nous qui la ressentons, la pression. Hein. Ça vient de notre part, je pense. Mais il y a cette dimension-là qui existe effectivement. On ne court pas dans les champs. Est-ce que c'est moi ou des fois j'ai l'impression. Alors là, vous êtes sûr, vous n'avez pas de questions. Je vais rentrer dans les. Si, pardon. Vas-y. Chez les étudiants, est-ce que vu que pendant 2 ans il y a quand même un travail qui est, d'après ce que j'ai compris, tous les travaux sont assez individuels, il n'y a pas trop de travail d'équipe, etc. Est-ce que une fois diplômé, c'est compliqué de, par exemple, de travailler dans un groupe, dans un studio, travailler en équipe, il y a cette peur même du travail, enfin du marché du travail qui est quand même assez différent de l'école, en fait. 学生がそのやはり大変こう個人作業がほとんどでなグループでする作業することはまず非常に少ないというふうに理解したんですけども、うん、逆にその卒業後に学生にとってその要するに、うん、一般の企業に入るというそのグループに、うん、あの共同作業に入るとか、うん、あるいは、いわゆるその雇用市場に対するその怖さというものは、うん、要するに当然学校という環境と違うことになるわけで、うん、そのあのやっぱりその個人作業に重点を置くことによってそのこう、うん、なかなかやっぱりこうあの卒業後仕事に、うん、あのこうつけないこう、うん、あの結果が学生にあるいはその怖さが学生の方にあの感じられているのかどうか 学生の方が感じてるんです けどどうですか、 うん、学生の方の感覚聞きますか どうですか うん、まあ、それはまあ、あります ありますね、 うんまあ、生きていけないけど、うん、 そうです、まあ、まあ、c'est peur, effectivement, je l'ai, je sais pas, ce que je vais faire en fin d'école, je sais pas, je vais vous dire, pour gagner ma vie. ただ、これはちょっとまあ僕の個人的な意見で、まあ、他の先生はちょっと違う方向を向いてる気がするんですけど、まあ、大学院ってやっぱり特別な研究機関だと思いますので、やはり政策に関してもやっぱ研究という視点ですね。そうなるとそのやっぱり企業に入るためのトレーニングやその専門学校的な要素は、まあ、この芸大に関しては全く必要ない。もしそういうこと必要ならば別の学校を選んでくれればいいと思いまして、多分芸大に来る学生も、まあ、不安をそういうふうに抱えながらも多分別にそういう社会に溶け込むためのトレーニングを芸大で受けたいと思って入る学生はほとんどいないと思いますね。まあまあ、僕はそういう政策の非常に個人的な研究ということが最終的には社会に大きく変革や可能性を開くことになると信じているので、まあ、一人一人がね苦労するかもしれないんですけど、学校の姿勢としてはそういう職業訓練の学校にはしたくないなという思いはあります。 あとね、先ほどの話で自己判断でね、 うん、そうです。 Alors, moi, je me permets de vous répondre à cet égard. À titre personnel, il y a d'autres enseignants, on est 4 professeurs, je pense que les autres enseignants ont des avis qui ne sont pas forcément le même sur la question, parce que je donne vraiment mon avis personnel. On est dans une école de master, c'est-à-dire qu'on est, c'est un cursus en 2 ans qui vont pour les étudiants qui ont déjà 4 ans d'études derrière eux. Cette période, pour eux, est de toute façon une période, l'entrée dans un temps spécial, un temps particulier qui est. Dont la raison d'être, c'est d'être voué à une certaine recherche. De ce point de vue-là, je pense que les étudiants qui rentrent chez nous, qui viennent à Gedai, donc dans ce département de master en animation, je pense qu'on n'a pas besoin d'être dans une logique qui est celle, effectivement, d'une école ou d'un entraînement professionnel, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir prendre place dans le marché du travail ou la société. Je pense que les étudiants qui viennent chez nous, très peu sont dans cette logique de vouloir subir une sorte de training, effectivement, qui leur permette de trouver... un job à la sortie, c'est pas la logique qui est, je pense qu'on n'a pas besoin d'être dans cette logique là. L'idée, c'est au contraire, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'essayer de créer des, donc de former des individus qui ont leur libre arbitre et qui soient en mesure, effectivement, grâce à ce procédé, ce parcours de recherche qui vient de faire face à des situations différentes, de créer à long terme, de contribuer à long terme de société, effectivement, à des changements, à l'ouverture de nouvelles possibilités, alors qui reposent, bien sûr, sur des difficultés. Dans les parcours personnels pour les uns et les autres à leur sortie, mais si on regarde les choses à plus long terme, je pense que ça a une importance effectivement d'ouvrir ces possibilités-là. Voilà. Donc ça veut dire, pour aller dans cette idée-là, que c'est pas forcément justement une... Ah ben, on peut créer un petit studio de court-métrage, de rentrer dans un studio, c'est vraiment leur laisser... Voilà, il n'y a pas d'entraînement pour quoi que ce soit, en fait. C'est vraiment... ないです。ただ、まあ、そういう方向性は全体的に言えば向いてなくはないんですよね。それは、その、芸大だけではないですけど、で、まあ、一般的にその、産官学、産業と官僚と学問の3つの関係性をこう大学の中でも育てていくというような、ただまあやはり学業、学術研究もしくはこう政策や芸術というものは必ずしも産業や官僚とマッチするものではないと思うんですね。ある独立性を保ちながら時には反対の立ち位置になることは当然あり得るわけですね。だからその官僚や産業のもう飼い犬になっては本当に学術がもう負けてしまうわけですね。 やはりその学術としての独立性というのは必ず維持しないと、本当大学や大学院のまあ存在意義もなくなってきて、それを産業のためのトレーニング機関になってしまったら、本当にやってる意味はないと思いますね。 Effectivement, il n'y a pas cette dimension-là dans l'enseignement qu'on propose. Après, donc, moi, je suis parfaitement conscient qu'il existe des convergences. Il y a des actions qui sont menées, y compris chez nous, qui relient à la fois le domaine, d'une part, donc relier l'industrie, les milieux, donc, les milieux publics, le domaine public et le domaine académique. Et on mène certaines actions qui sont concertées entre ces trois domaines. Mais je pense que c'est important de toujours garder à l'esprit qu'effectivement, que ce soit l'étude, que ce soit le domaine académique, le domaine de la recherche, le domaine de la création, de la culture, de l'art, ces domaines ont à maintenir une forme d'indépendance foncière. C'est-à-dire qu'il arrive que ce soit des domaines qui soient appelés à entrer dans une forme de d'antagonisme avec une logique industrielle ou avec une logique effectivement de pouvoir public. Cette possibilité doit subsister. Et donc l'intervention de l'industrie ou des pouvoirs publics, il faut être attentif, parce que si on n'y prend pas garde, le domaine académique, toutes ces logiques de formation, l'idée même finalement d'une approche scientifique finalement est vouée finalement, est condamnée à se retrouver finalement subordonnée à des logiques de pratiques de compétences professionnelles, je ne sais quoi, effectivement, d'entrer dans une subordination par rapport effectivement à des logiques qui sont complètement différentes. Donc il y a vraiment une conscience à conserver sur le fond également. On a un grand problème en France aujourd'hui dans les écoles, qui est un coût qui est très élevé et un nombre d'années qui est de plus en plus important. Oui. Est-ce que combien déjà coûte la GEDAI, et est-ce que justement il y a cette volonté de rester sur ces deux ans et pas de forcément faire plus? がどんどんこう高くなっているのと、あと年数もね長くなっていくんです。2年から3年、4年、今5年になろうとしてて、そのデカデイでだから1学年あたりどれぐらいの学費なのか、そして2年以上のことをやっぱりこう考えないようにしてるんですか。 学費 はどれぐらいでしたっけ？ 50万ぐらいですかね。ヨーロッパに比べると高いんですから分かんないですけど。 アニメーションにしてはどうかな。 で、学費はまあどうしてもね、物価とかいろんな関係もあるとは思うんですけど、なんでしょう、フランスの、逆に言えばフランスの方はそういう奨学金とか、その学生に対するお金の援助とはないんですかね、学費が上がる問題に対しての他の解決策っていうんですかね。 Je ne sais pas si c'est en France, ça je suis curieux de savoir, mais pour nous, à l'année, à l'année, ça représente 500 000 yens. De frais de scolarité, ce qui représente à peu près 4000 euros. Donc je ne sais pas si c'est plus cher ou moins cher. Je ne sais pas s'il y en a en France par rapport à cette élévation des coûts que vous évoquez, des solutions qui existent, par exemple en termes de bourse. 日本にはないですか？日本には、そういった奨学金とかいろんな女性の制度とかもありますから、その学生の経済状態に応じて対応はできるというのが。 なるほど。Nous, au Japon, effectivement, un certain nombre de dispositifs qui sont effectivement des aides pour les étudiants, donc suivant leurs conditions de ressources, pour les aider effectivement à assumer ces coûts. 学費の全額免除、半額免除、そういったもの が。いや、également les universités ont des dispositifs qui sont de, comment on appelle ça, c'est le fait d'être une exonération totale des coûts ou une exonération de moitié des coûts, par exemple. あと、その年数の問題で言えば、何度か議論には実は上がっていて、これは僕自身も非常にこう迷うというか、迷いまして、簡単に決められることではないですけど、今2年というのは確かにちょっと短いというのは教える側も学ぶ側もちょっと感じているところがあって、3年にした方が、アニメーションどうしてもこう時間がかかるというか、ペースがスローなところがあるので、理想的に言えば3年にして12人ぐらいするのがベストかなというのが、長くした分、人数を絞るというかなとは思ってるんですけど、ただ映像研究家全体、映画とメディア映像と、その3つのが同じ、やはりそのカリキュラムとか同じシステムで動いていきますので、そこのかなり根本的なところの変革はなかなか簡単にはちょっと決められない、特に年数に関しては。 人数は違うんですよね。年数に関 しては。年数に関しては、やはりアニメーションだけ3年にはできないとですね。 Alors, pour ce qui est du nombre d'années de cursus, c'était un sujet qu'on a déjà débattu entre nous de manière répétée. Et c'est un sujet qui est difficile. Alors, moi, je n'ai pas de réponse. J'hésite, effectivement, je me réflexionne pas terminer là-dessus. Mais ça me semble effectivement un peu court, les deux années. C'est-à-dire que on voit bien que pour un certain nombre d'étudiants, certains le font en trois années, finalement. C'est-à-dire qu'ils redoublent. Et je me dis, par rapport au temps que nécessite le travail d'animation, le fait de passer en 3 ans, c'est peut-être quelque chose qui ferait sens. Peut-être qu'on pourrait imaginer de passer à 3 ans avec 12 étudiants, du coup, restreindre les objectifs par rapport à cet arrangement. Mais il y a une autre question qui est, elle, purement administrative, c'est qu'on est dans une école de master en audiovisuel où il y a d'autres départements, département cinéma, département nouveaux médias, et on ne peut pas, nous, le département d'animation seul, passer à 3 ans, par exemple. Il faut que ce soit concerté avec les autres départements, et donc ce n'est pas évident non plus. Alors, juste pour lui donner, en France, à part quelques écoles non publiques, qui sont notamment les DMA, il y a la Poudrière et l'ENSET qui sont assez peu chères encore au niveau des prix. Sinon, c'est à peu près entre 6 000 pour les moins chers à 9 000 euros. La Poudrière et l'ENSAD sont pas chers. Pardon, la Poudrière et l'ENSAD restent dans des prix assez corrects. Ouais. C'est vrai que c'est 6 000. Voilà. Ouais. Et sinon, c'est 6 000 à 9 000. Ouais. Ah ouais, DMA ってその中からまあ教養課程みたいな 最初2年間でそのアニメーションのその初歩的なことを学ぶということはこれは公立でほとんどまあただにみたいなもんですけどそれ以外だとアニメーション関連の教育だとラプドリエのバランスのあそことエンサートが割と安いほとんどそんなに高くないそれ以外の学校は基本は学年は6000ユーロから9000ユーロつまりまあ芸大の 1.5 倍から倍以上になりますね。 やっぱちょっと高い ですね。学年で、はい、学年の年数も。 あ、そうですか。 全体的に。はい。 On va devoir passer à la suite. Donc merci beaucoup. Merci à tout le monde.